afetos. La vili sakula, donanziel se tlorwe, l'obraili se zamil, la misa men se tout famil. T'as pris ton noël, ou c'est l'espoir, vin bol à kai, ou satan te voir, l'idel papo, el tapito jouen. Tout le monde va fêter. Ton Noël souple, à Madame Bouvini, sorti la ville, à Madame Bouvini. Ton Noël souple, souple, souple, à Madame Bouvini, non, non, non, non, non, non, sorti la ville, à Madame Bouvini. Joyeux Noël. Nord-Ouest, Miserfel, Vinfa-Ouest, nourrit-il, c'est valèvant, l'âge laissé si sincèrement. N'importe au prince, dans saison Noël, tout si mon a, bien écouté prince. L'hypocongène, et l'hygué l'y fait passer. Bienvenue à tous sur le 96.2 si vous venez de nous rejoindre. Chantal avec vous jusqu'à 17h. C'est notre émission Groupe Tropical. Un groupe tropical spécial Noël cet après-midi avec eh bien le bon son qu'on a actuellement là-bas aux Antilles et dans toute la Caraïbe, du son ambiance, pour vous mettre du soleil et puis surtout plein de paillettes tout autour de vous. En tout cas, on va passer un très très bon après-midi ensemble. Tout de suite, on continue comme ça avec la tradition. Sans bloguer préjugé, on va chambre passer pour la caille. Noël arrivé. Sa yo seul bagay, ki fè mwen mal. Fami k pa gen l'ajan pou yo achete kado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Kami fè Noël, fè la vi yo chanje. Kami ki va vi. Yeah. Say no way. pour la bonne nouvelle. On vient nous annoncer une merveille. Un sauveur nous est né. Yeah. attention, messieurs, ces dames, préparez pour le côté. Non, ensemble, on nous chante les côtés. On nous allez, oui. Petit manier à la gâteau. Chanter tout mon ensemble qu'on pressait, ça nous qu'est ni nous qu'est manger, ni un bagaille qui est spécial, qui la pointe qui a foyal, mais si Noël donc arrivé, la joie qu'a monté entièrement. C'est Noël ça qui l'a protégé sa fête ni a ni en celle noire la madiguada. Noël et bisous d'ici à sa belle. Noël, la madiguada ça essentiel. La divinité qu'a clairé, quand il y a un tambour qui sonne, si tout le monde peut venir chanter, c'est ça Noël à Madiguada. Noël, l'épisode ici à sa L'autre nous éclairer, alors nous partager l'amour uni entre nous. Noël. Nous toutes là, nous tous ensemble, Noël. Sans garder que différence. Noël. C'est l'esprit loin qui m'annule, l'envie sous répéter comme ça. Noël. Oh, quittez-moi profiter, si Noël m'a dit quoi d'un moins. Lumière la divinité, car l'autre nous éclairer. Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, No 96.2, joyeux Noël à tous. Montreal, Au début, j'étais d'accord. Et tout le monde était content de moi. J'avais l'air à ses vieux corps. Pour faire content les gens du contrat. Mais vieux corps ou bien craché. Je passe pas de l'autre côté. Moi, je suis bien s'en foutu. J'ai décidé d'entourer. Mais vieux corps ou bien craché. Je passe pas de l'autre côté. Moi, je suis bien s'en foutu. J'ai décidé d'entourer. En que mon réo, en que mon réo. Yeah. papa et pour toute maman. Pour tout président et général. Pour les blancs, les rouges ou bien les noirs. Pour tout vivant qui a distribué leur mort. Moi qu'a mandé en moment de pour me prédier, crier, chanter. La Martinique, dans les pays sont en guerre, plus souvent qu'ils ne pratiquent la paix. Je déclare une trêve pour quelques instants, en qualité de président de moins de 30 ans. Et même si mon État n'a qu'un seul ambassadeur, qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur. Et même si mon État n'est qu'un tout petit rocher, respectez-le, car maintenant c'est. Et des millions de colombes blancs pour tes messages moyens dans le monde entier. Que tout président, tout général, tout monde qui n'est en action direct enlève la paix dans le monde. Que tout papa, que toute maman, tout monde qui la jeune, tout monde qui l'hôpital, y oublie souci, y oublie des bois, yo. En ce jour béni, pour y chanter, parce que maintenant, c'est Noël. Jean-Michel, non mais ça va pas, moi Jean-Philippe Martelly dans votre émission Groupe Tropical, l'ambianceur, et oui l'ambianceur de vos fêtes avec ce titre qui était sorti il y a 2 ans je crois, Boloco, la tradition continue, la tradition de Noël, tout de suite sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical, avec Noël en compas, et puis tout de suite après bien, ce sera le Groupe Design, joyeux Noël à tous. Satini, Satimon, Amen. Sur le 96.2 dans votre émission groupe tropical spécial Noël, avec le meilleur du son hein, qui nous fait danser actuellement la Caraïbe. Et puis j'ai un petit coucou à faire, tiens, un gros bisou à tous les enfants de la crèche du multi-accueil Anne-France du côté de Saint-Jean-de-Bray. Un gros bisou à toute l'équipe et un gros bisou à tous les petits loulous. Joyeux Noël à tous. Un peu partout y'a fait chanter vive la Noël, y'a fait célébrer la naissance de Jésus-Christ, son frère sans discrimination. Minuit sonnait, c'est clair la messe qu'après chercher la délivrance. Sa cap cherche côté yo joigne yo réveillon. Pour yo capable couler boisson. Noël, faites la joie, faites l'amour. Jour de réconciliation pour toute cette fête si fâcheuse. Noël, c'est jour chrétien réuni. On s'embrouillant la prière. Chantez. Célébrer Noël, comme un petit monde tête collée, riche qu'on prend pas l'homme, où il y a fêté, que tout le monde comprend, que tout le dans la vie, allons belle époque, c'est Noël, c'est dans la délivrance, que tout le monde comprend, que tout le dans la vie, allons belle époque, c'est Noël. Bon, mes amis, nous là, allons dans le travail. Nous avons besoin à l'hygiène. fait qu'à manger, pas briller, yo. Pas d'un affecté, on nous songe, on nous songe, songe. Pour mon code là, tout si monde dans la rue a chanté. Tout si monde dans la rue a appelé. Tonton le sou du Kaïda, tonton le nom de Kaïda, tonton le sou Gabon, tonton le Bambadra. C'est vrai. Tout si monde dans la rue a chanté. Ouais. Tout si monde dans la rue a appelé. Qu'on compte. Oh,

fait face pour faux. Tiens, moi, pas âgé. Mille la fesse, chapine doux. Quand t'as parlé, tout fait petit blesse. Qu'après tout bien, n'est que les adresses. En tout position, moi, c'est polisson. Bani, pièce, ton mission. Bah, mon qui s'en façon. À ma position, c'est en position. J'aimerais blesser. À Pidine, en toute façon. Pour pas en satisfaction, moi, ni tout fait pour saucisson. Des Antilles sur le 96.2 dans votre émission Groove Tropical sur Radio Arc-en-Ciel avec ben, le meilleur du son qui passe en ce moment sur la Caraïbe. Je vous emmène pour un beau voyage. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël et de très très bonnes fêtes de fin d'année. 15h, 17h, c'est Groupe Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. mère en pleurant. Ni la clave ni bon père. Tata, j'avais pas réti pour cela. Fè ansèm zè ou si mè vi kou a mè patè Ay, sou pote kose yi nou kè fè si wè fin Mè patè nou zè kou fè Ay, sou pote kose yi nou kè fè si wè wazin Mè patè nou zè kou fè Oh, li chèm ka pi chèm wè mè vè la Mè patè nou zè kou fè si wè Mè patè nou zè kou fè si wè Mè patè nou zè kou fè Magade for pale Magade ti pol vive bonè Koko woti te moso vyem sale pou nou manje Sou pote koze nou ke fesi wou epi Mwen pote koze pou fesi wou Wopa Noël c'était convivialité Nous partons besoin pièces les affaires pour nous t'y amuser Au soir y'a bien pas quand il clash Nous qu'à monter y'a mon blanc Voisins voisines en misère Mais tout le monde nous a avisé Voisines qui sont portées par nous Si vous portez vos aïnes Vous pouvez si vous êtes bien Vous dites à vous y'a beaucoup de gens Franciane ka ou si mami koua Vous pouvez vous êtes bien Di kapote yon kapto wom Mwen pate nou zè kou fesi wou Mwen gade fofon za bien pale Mwen pate nou zè kou fesi wou Kresè tablo balou kou le fesa pran fè Mwen pate nou zè kou fesi wou Si ou pote kou zè yon nou kou fesi wou e pe Mwen pate nou zè kou fesi wou Wopa Ay ay ay Dispa kala yon nou swan se jepe yon jepe Mwen ay apati yon mwen de chou Se jik chou Wopa Hey, la dia mata mimbe, mula misera. Ateli, ateli, ateli, love, ateli, love, ateli, love. Si vous portez vos aïnes, nous préférons si vous êtes pays. Déjà fouillé beaucoup de gens. Et puis capote, on va trop rond. Bien sans capote, on n'y couvre plus. Pardon, voilà la casse ou pas, mais pas de Si vous portez vos aïnes, nous préférons si vous êtes pays. Aïe, pense coco, à même la presse finie. Ah, nous pas vous êtes bien, ça fait pour nous aller. Eh bien, si vous portez vos aïnes, chérie, à nous gagne bouillie. Bouillie, bouillie, et puis tu veux si gagne. Très bien, Castanet. Sur la crème tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain. Annoncer les vacances, et je vous retrouverai vers 2020 carrément. Bah oui, vers le tout début janvier. Je sais plus trop quelle date, je crois que ça doit être le 3 janvier plus précisément. En attendant, je vous souhaite à tous et bien de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous laisse dans les bras de Gloria pour son émission sur le Portugal. Et puis, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec toute cette chanson de Noël. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35, DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est où?